troisième partie de la gloire du Comacchio. Voyons, messer, votre Andromède, la voulez-vous en marbre? Ah ah, songez un beau bloc indestructible de Carrare ou de Pietra Santa. Il ne serait plus temps, si Baccio doit triompher demain avec la sienne, murmura César ébranlé. Dans son trouble, il pressentait quelque toute puissance ténébreuse, dont peut-être on pouvait jouer. « Ma renommée dépend de cette aventure. Je veux la gloire, dit-il faiblement. Je ne puis vous donner que la richesse. Allons donc, ne faites pas l'enfant. » Le juif se rapprocha. « Messer Bordone, Lodovico Ariosto, que vous jalousiez tout à l'heure, s'est fait peindre par Dosso Dossi, dans le paradis de Bonifacio, Véronèse, qui décore le réfertoire de San Benedetto. Savez-vous pourquoi, messer? C'est afin, disait-il, de se trouver toujours dans ce paradis-là, n'étant pas sûr d'être dans l'autre. Que diable! Imitez-le! Prenez d'abord la fortune, prenez-la surtout plutôt que la mort ou la prison. Vous verrez ensuite à courtiser la gloire. Et les filles, vous l'avez dit. On l'achète toujours, au prix des larmes, au prix du sang. L'or ne compte pas ici, mais j'entrevois que l'affaire est d'importance, car tu l'as menée de loin, tout bal. Et après tout, peut-être, ô Jacob, la vérité sort-elle de ton puits? Que faudrait-il faire? S'il vous plaît, messer, commencez encore par un petit serment. Je ne trahirai rien, je ne te vendrai pas, juif, foi de chrétien. Que faudrait-il commettre? Tout bonnement des portraits, des statues bien ressemblantes. Vous les feriez de mémoire, sur des croquis, dans un atelier qui se trouve là. César connut l'épouvante, il s'écria. Des statues? Des statues de cire? Pour toute réponse, Toubal prit une lanterne qu'il alluma. « Venez, dit-il, j'ai du vin dans ma cave dont vous me direz des nouvelles. » La porte n'était pas dérobée. L'escalier n'avait rien de sépulcral, le caveau regorgeait de futailles pansues. L'une d'elles pivota sous la main du juif, démasquant une ouverture et les marches d'un autre escalier. Celui-ci s'enfonçait profondément vers le froid, l'humidité, le silence épais. Il déboucha devant une obscurité opaque. Toubal leva sa lanterne. Une voûte luisante la réverbéra. C'était un lieu si retiré, si loin de toute oreille humaine, que Césarée ne put retenir un mouvement de défense. Toubal goguenardait. Cette maison-là est pratique, comme pas une. Elle a servi naguère aux caprices de Madonna Lucrezia Borgia. Ceci explique cela. La lanterne s'abaissa. Confusément sur une table, une forme couchée apparut. César, ayant saisi la lumière, éclaira cette façon de cadavre et reconnut le podestat Borzo Strozzi, trépassé de la veille. Lui-même, non, mais une poupée de cire jaune à son effigie, costumée de ses ajustements, et qui avait un poignard planté à l'endroit du cœur. Il se retourna vers Toubal. Des lueurs bleues dansaient aux murailles suintantes. Le juif venait d'enflammer un réchaud sous une autre figure de cire, entièrement nue, jolie et féminine. « Je la fais fondre un peu tous les jours, expliqua le vieil homme. Léonora d'Urbino. Césarée, tragique, restait figé d'horreur. Donc il avait pressenti la vérité. Le coup de sang du podestat, la consomption de la marquise, des envoûtements. Oh, ce n'était pas que la sorcellerie l'étonna. Il y croyait comme tout le monde, et portait dans un anneau l'œil droit d'une fouine, pour se préserver du nœud de l'aiguillette. Non, ce qui le bouleversait jusqu'aux moelles, c'était de se trouver dans un de ces laboratoires dont chacun parlait sans les avoir jamais visités, comme de l'enfer. C'était de toucher du doigt la chose abominable, de voir de ses yeux la source clandestine des forfaits maléfiques, et d'apprendre que Toubal, ce Toubal ordinaire, quotidien, fréquent, était ce sous-dieu redoutable, un sorcier. Maintenant, il comprenait, sacrificateur des rancunes opulentes et perfides, le juif avait lié parti avec Milanello. La manière du sculpteur défunt s'accusait dans les effigies par ses travers coutumiers. Et mort toutes les équivoques dont Ferrare avait tressailli, celles des Biscanti, des Torrija, des Poleoni et tant. C'était à leur connivence que Ferrare les devait. Comme s'il eût deviné les réflexions de Cesare, Toubal les compléta. « Ce sont les dernières statues de Milanello. Il les avait faites d'avance. J'attendais, pour les employer, qu'on m'en donnât l'ordre. » Puis tout bas contre l'oreille, afin de mettre en valeur l'importance de révélations qui resserraient leur complicité. « Voyez-vous, on mêle à la cire de l'huile baptismale et les cendres d'hostie. La cire n'est pas rituelle. C'est une substance commode, et voilà tout. Quant à l'huile et aux cendres, une cérémonie kabbalistique peut y suppléer, mais la ressemblance de la momie doit être aussi parfaite que possible. Sans cela, je ne m'adresserai pas à la fleur des statuaires. Ensuite, vous habillez la momie avec des nippes ayant appartenu au condamné. Vous lui administrez les sacrements, vous prononcez sur elle des formules d'exécration et de malédiction. Le tour est joué. À partir de cette minute, tout ce qu'on fait à la copie, l'original en souffre, et la chair succombe aux blessures de la cire. C'est le septième des sept maléfices, celui qui provoqua la mort du roi Dufas d'Écosse, de Charles IX de France, et de mon protecteur Galeazzo Bisconti, n'est-ce pas? Infâme! Messer, l'illustrissime provéditeur vous aurait-il donné plus d'argent que Toubal? Immonde sorcier! Insultez-nous! Vous insultez deux papes et un empereur. Et puis le ghetto se venge comme il peut. Cesare roulait dans sa tête l'histoire d'un juif brûlé, dans le temps, près de Santa Maria in Vado, pour vol et profanation d'une hostie que ses lacérations avaient fait saigner, et qui, jetée au feu, s'était mise à voltiger. L'acharnement des Hébreux lui parut formidable. Toubal reprit. « Je vous ai tiré que la suppression d'une femme n'était pas pour vous répugnée. Or donc, voici la première tâche qui vous attend. Finir cela. » Démailloté de linceul humide, un embryon de statue montrait sa glaise larvaire. Tout autre qu'un sculpteur eût pris l'acte pour une violation de sépulture. Bordonné se pencha sur le rudiment. Le masque, suffisamment poussé, reproduisait les traits enfantins de Marguerite de Gonzague, duchesse d'Aeste, deuxième femme du duc Alfonso, qu'il venait d'épouser. « 10 000 florins pour vous, » annonça le juif. « Mais qui paye cela, grand Dieu ?»« Ah, qui paye, ha, ha, ha !» Cesare tomba dans une rêverie. Ses regards se posaient avec indifférence sur les curiosités de l'hypogée. Des formules inscrites partout, 21 pots de faïence, 3 x 7, reliés entre eux par des fils de cuivre, un crapaud moribond empalé sur une pointe dans un cercle de conjuration, de la terre rouge au fond d'une jarre pleine d'eau. Tout à coup, relevant ses manchettes, il atteignit cette motte d'argile et commença de la pétrir. Elle simula très vite une figure, et les deux pouces experts l'ayant manipulée quelque temps, Cesare, avec le geste du percé, brandit enfin le chef de Baccio dell'Attacca. Toubal se divertissait. Alors Césaré, qui menaçait d'une longue aiguille les prunelles de la tête, se souvint de paroles antérieures. « En effet, dit-il, à quoi bon ?» Son poing frappa. Le visage de terre, aplati, devint monstrueux et grotesque. Un fou rire secouait la grêle carcasse du magicien. Ce que voyant, Césaré s'emporta, soutint qu'il y avait ici de quoi faire pendre ou rôtir tous les juifs de Ferrare, et parla de dénoncer Toubal. Mais Toubal opposa la foi jurée, tout en riochant d'un air de fanfaronnade. « Au demeurant, ajouta-t-il, quiconque tenterait une visite domiciliaire chez moi, culbuterait foudroyé avant d'avoir trouvé le ressort de la futaille. Mais je ne crains guère l'inquisiteur, allez, on a des protections. Tenez, vous désirez savoir qui payera l'envoûtement de la duchesse? Devinez, c'est... » Le maintien du juif laissait prévoir un nom sonore. Césaré le lisait sur ses lèvres. « Tais-toi, conjura-t-il. Vous y êtes, messer, il voudra tâter d'une troisième alliance, mais vous semblez absent. À quoi pensez-vous? À quoi pensez-vous derrière ces yeux-là? » Césaré, sans un mot, continuait de le regarder d'une façon terrible. L'instant fut chargé de risques. La chance flotta. Goutte à goutte, on entendait la cire grésillante tomber de l'effigie dans le feu. Césaré fit un pas. Vivement, le juif renversa la lanterne et souffla le réchaud. La nuit souterraine les étouffait. « Je dois vous avertir que la porte est refermée, dit une voix aigrelette, et que je suis seul à pouvoir l'ouvrir. « Ouvre-la donc, fit une voix résignée. « Mais où prends-tu que j'ai voulu te nuire ? Ouvre. « Conjure d'un bord. Pas ici, là-haut, en liberté. Soit. » Ils remontèrent. Césaré, pensif, gagna l'embrasure de la fenêtre et s'y adossa. Le jour n'était plus. Les meubles de la chambre se distinguaient à peine. La rue serpentait déserte et louche. « Nous traitons, dit le juif. » Un homme sortait du vague, au bout de la rue, se dirigeant vers la place. Césaré le regardait venir. Il passa couvert jusqu'aux yeux d'une cape élégamment drapée. La médaille d'or à la mode brillait au-devant de sa barrette. Un invité de Baccio, songea le sculpteur. « Alors, insista Toubal. » Césaré laissa couler négligemment. « Je veux la gloire. » Le juif toussa pour déguiser une exclamation d'impatience. « Je ne vous comprends pas. Je ne vous comprends pas avec votre fringale de gloire. Enfin, la gloire, qu'est-ce que c'est? Un empaillage. Qu'est-ce que Praxitèl, Phidias, Lysippe? Des momies et rien d'autre. » Plusieurs passants firent un gai tapage. Césaré discerna des plumes abondantes, des médailles de fastueux éclat métallique. « Je veux la gloire. Pour elle, je consens à mourir en pestilence d'impiété. Faut-il renoncer à Dieu, perdre son salut? Je suis prêt. Veux-tu mon âme? Je te la donne. » « Vous me prenez pour un autre, » fit Toubal très amèrement. Césaré continuait dans une surexcitation grandissante. « Je la veux, moi vivant et moi poussière. Il est impossible que tu n'aies pas les moyens de me la donner, toi qui donnes la mort si aisément. Allons, les événements nous pressent, regarde. Ces beaux muguets qui vont chez Baccio. Demain, c'est la ville entière qui verra son Andromède. Il ne sera plus temps. Toubal, je te ferai des cires autant que tu en voudras, mais donne-moi la gloire. Sinon, c'est résolu. Je choisis la mort. » Toubal tressauta. « Je n'ai pas assez de puissance, messer Bordonné. Que voulez-vous que je fasse? Hors l'envoûtement, je ne sais rien. C'est déjà si formidable. Avec une telle arme, on devrait défoncer tous les obstacles. Comment faire ? » Le pavé retentit. Un homme encore arrivait à pas presser. Il fit un écart et passa vite au large, à cause du porche suspect, favorable aux embuscades. « Si vous appréhendez la vue de Mona Chiarina, Quittez ce poste, messère. Elle ne saurait tarder maintenant. » Césarée aussitôt s'éloigna de la fenêtre. Il répétait. « Comment faire? Ah, disposer d'un pouvoir surnaturel et rester là, stupide? Comment faire ?» Et ce furent sans question à propos de l'envoûtement. Toubal y répondait avec lassitude et laissait l'ambitieux bordonner se puiser en vaines recherches. « Trouve donc, mais trouve donc !» s'écriait par moments le sculpteur. « Je suis sûr que tu ne connais pas toutes les ressources de ta magie. » « Ah, je trouverai bien, moi, sans être sorcier, sang du Christ, je trouverai !» Brutal, il cognait ses poings l'un contre l'autre et les faisait se battre comme deux béliers. Il les contempla subitement et poussa des rires imprévus. « Qu'avez-vous ? S'enquit le juif. « Ce que j'ai, mon mignon ! Ah ah ! J'ai que si ma dextre s'endolorit des coups de ma senestre s'endolorit aux coups de ma dextre. J'ai charmant Toubal, qu'on ne se frotte pas seulement l'œil gauche pour éclaircir l'œil droit, mais encore l'œil droit pour éclaircir l'œil gauche. J'ai, il est fou, pensa le juif. La rue s'animait au passage d'un nouveau groupe. Une dizaine de gentilshommes, derrière un porteur de fanal, tous enveloppés de sombre, coiffés d'autruches et masqués. Ils disputaient d'une manière importante, et l'un, de taille avantageuse, marchait cambré, les coudes aux épaules de ses voisins. Mais Césarée et Toubal n'étaient plus dans la chambre pour les remarquer. La bande, emplumée, franchit le seuil du palais des Latacas. Les masques sautèrent. Et des manteaux rejetés surgirent en leur costume du dernier galant, Monsieur d'Aesté et ses âmes damnées. Baccio, tout habillé d'aurore, s'avançait à la rencontre de ses hôtes. Sa chevelure retombait en lourde coque. Il avait le col flexible et le doux visage d'une femme. À Ferrare, certains raillaient sa mine de travesti, mais d'autres, se souvenant de Raphaël, penchait à vénérer cette grâce hermaphrodite. Il s'adressa au grand diable de cavalier qui faisait bouffer ses manches à gigot. « Salut, libéral protecteur des arts. Monseigneur, votre esclave est honoré plus qu'il ne saurait dire. Moins de bavardage, cousin. La statue, voilà ce qui m'intrigue. Par ici, magnifique. » Baccio lui-même avait choisi l'heure de la visite, en mémoire d'une anecdote qui courait sur le Jupiter de Cellini, et sans l'assurance que son Andromède gagnerait encore au jeu d'un éclairage savant. Plus de 100 torches illuminaient le cortile, chacune concourant à ce but. À l'entrée des nouveaux venus, un concert de musique se fit entendre sur la galerie, et ceux qui les avaient devancés les saluèrent. Alors il y eut au parage des statues la plus courtoise mêlée du monde. Les toques à médailles confondirent leurs panaches. La soie des simarres brochées crissait sur le taffetas des justaucorps, et les belles épées, dans leurs fourreaux de cuir, se donnaient des caresses. Il fallut se taire. On attendit le jugement de son Altesse. Il ne tarda. Le duc, ayant tourné suffisamment, prononça. « Mais lis, simarre, c'est là !» De point en point, ce que je voulais, bravo. Tu as bien suivi mes indications. Elle fera merveille demain sur la place. Bellissima, encore un coup. Baccio comblé lui baisa la main. Ce fut le signal de l'Alléluia. Chacun se récria sur l'idée astucieuse des trois statues, et pour l'Andromède, dès que l'on connut l'agrément du duc et qu'il avait participé à l'inspiration du chef-d'œuvre, le superlatif Bellissima fut tant de fois redit qu'on se serait cru dans l'église San Francesco, dont l'écho répétait 16 mots pour un qu'on lui jetait. « Bellissima !» savourait le cardinal Pompeo Malatesta, commissaire apostolique. « Bellissima !» décidait Falciero, le jeune peintre de la cour. « Bellissima !» appuyait Ercole Torrigiani, l'inséparable écuyer d'Alfonso. Bellissima, concluait le graveur sur pierre fine Faliero Belli, dont les camées faisaient fureur. Bellissima, reprenait Annibale Stecci et la peau des Plati, les spadassins Duco, deux riches chiens de garde qui ne connaissaient pas la peur. Baccio triomphait, splendide comme un jeune dieu. Par instant, il regardait le ciel étoilé d'un air bien heureux. Mais déjà le duc, affectant l'indifférence, avait pris à l'écart Ippolito Malespini, maître cavalcadour, et l'entretenait de la parade équestre, dont il voulait rehausser son entrée à Modène. On circulait en devisant. Des épagnols nains et des levrettes deux à deux rôdaient entre les jambes, soupçonneux et craintifs. Et là-haut, dans la galerie du banquet, les serviteurs rangés le long de la balustrade assistaient à la réception. Cette contrée-là était brillamment éclairée. Les fresques semblaient sortir des murs, et les tapisseries de Flandre, qui bouchaient les arcades, montraient tout le relief de leur verdure bleue et de leurs personnages épiques. Elles faisaient au lieu du régal un fond de singulière opulence, sur lequel on voyait d'en bas les musiciens souffler dans la cornemuse, le cornet et le fifre, gratter le luth et le théorbe, ou racler de la viole d'amour. La nuit répandait une mansuétude. Après un temps désœuvré, Baccio entendit le duc qui l'interpellait. « Eh bien, unique, va-t-on souper ? Sur le champ magnifique, votre Altesse avait daigné prévenir l'heure, mais nous voilà, je pense, au complet. Eh, gentil cousin, tu fais la grimace ? Il y a de la contrariété dans tes sourcils ? Mais par Dieu, monsieur mon sculpteur, où est donc le divin modèle de ta divine statue, cette précieuse Chiarina que j'avais demandé à voir ? Nous la réserves-tu jaillissant d'une tourte, sans plus de voile qu'Andromède, afin que nous estimions la ressemblance toute à notre aise ? Si cela est bravissimo, et sur ce repas ? Je n'y comprends rien, mon seigneur. Chiarina n'est pas encore arrivée, dit Baccio, en chiffonnant la pointe brodée de son col. Dans un moment, sans doute. J'ai faim, brusqua le duc. Montons, montons, si votre Altesse veut bien nous précéder. Le majordome toussa fictivement. La musique s'éteignit aussitôt. Mes trois pinceurs de guitare jouèrent la ritournelle d'un chant carnavalesque, composé par le duc lui-même, et le chanteur Bridone entonna la première strophe. Dans le cortège, les poètes repassaient des vers pour les déclamer de place en place, au cours du festin. Baccio se sentait de fort méchante humeur. « Bast !» lui dit le duc. « Ne taquine pas les ferrets de ton aiguillette. Apaise-toi. Les femmes ont toujours quelques parures qui rétivent juste à point pour les retarder. » Malgré tout, le jeune homme restait maussade. L'étincellement de la table chargée de lampadaires, de surtout ciselés, de flacons cristallins et de coupes à anses de dragon, lui semblait terne à faire peur. Les valets portaient comme autant de bélitres les aiguières de vin de Frioul. Dans leurs plats au fin guilloschi, les mets d'apparat dressés pourtant de la bonne façon n'offraient plus rien que de burlesque. Bien que le cuisinier s'y fût évertué à reproduire l'aimable édicule que l'on voit dans la cathédrale de Luc, il méprisa le temple à huit faces, à dôme et à colonne, qui était un pâté. Moins toutefois que la paysanne napolitaine dont un cochon de lait fournissait les appâts. Mais il décréta hideux les chapons rôtis en forme d'homme. Des confitures sèches, imitant une grotte où reposaient certaines calypsos de frangipane, il la fit enlever, comme blessant les regards, si bien que la nef d'Ulysse vogua désormais sans but, avec sa coque en poitrine de paon, ses voiles de pâte, ses rames de vanille et sa cargaison d'aromates. On s'assit dans les cathèdres altières. Laissez une place à ma droite pour Chiarina, dit son Altesse. Je prétends jouir d'un pareil trésor, et premièrement lui passer ce collier d'émeraude. Ercole et Torrigiani, l'écuyer, se mit à sa gauche. Que votre statue est admirable, messer Baccio, quel que soit le point de vue, dit l'éminentissime Pompea Malatesta. Voyez d'ici comme elle produit grand effet. Dans l'aube rousse des torchères, ne jurerait-on pas qu'elle met à profit la solitude pour se mirer au bassin? Mais le jet d'eau lui trouble son miroir, et la voilà comme Andromède au-dessus de l'onde océane qui n'est jamais spéculaire. Connaîtrons-nous ce soir Monna Chiarina, ou bien est-ce une feinte de votre part et craignez-vous les entreprises d'Alfonso? Bridone cessa de chanter. Les conversations bourdonnèrent. Il s'y mêla bientôt une rumeur plus rauque et pour ainsi dire envahissante qui venait du dehors. Qu'est-ce? Fit le duc en éveil. Une alerte dérangea le souper. Ercole et Torrigiani, se levant d'un saut, disparut derrière les tapisseries pour aller regarder sur la place. Annibale, Stecci et Lapo de Plati, la main aux armes, apprêtaient déjà leur bravoure légendaire. Mais d'un regard, Falciero le jeune arrêta les bretteurs. Penché sur le dossier d'Alfonso d'Aeste, il tranquillisait le duc. Ce n'est rien, monseigneur. Selon vos instructions et pour fomenter l'engouement dès ce soir, j'ai répandu le bruit que la statue de Baccio était une merveille des cieux. Notre annonce éclata comme l'explosion d'une vérité que nulle défense humaine ne pouvait contenir plus longtemps. Vous en voyez les faits. Conduits par des gens à nous, voilà tous les apprentis et tous les connaisseurs de Ferrare qui viennent acclamer votre cousin. Ercole, issu des tapisseries, grommelait. La place est noire de croquants. On demande à voir la statue. En tout cas, magnifique, soyez sans crainte. Nos mesures sont prises comme d'habitude. Il tapotait un corps d'ivoire suspendu à sa ceinture. N'empêche que je n'aime pas les attroupements, termina l'écuyer. À travers les hautes lisses flamandes et par le ciel ouvert du cortil, on entendait un grondement sourd relevé d'apostrophes distinctes qui étaient comme des éclairs de chaleur dans un couchant. « Baccio, Baccio, la statue, l'Andromède, montre-nous ton œuvre. Baccio, elle est à nous, à la ville. » Baccio, tout pâle, incertain, questionnait le duc par ses yeux élargis. « Voici la renommée, beau cousin, publia son Altesse. Va, montre, parle. Dis-leur qu'ils verront la statue demain et qu'ils se dispersent. Ah, pas tout de suite, mordieu, laisse-les s'égosiller un peu. » Parappelons la fière sérénade. Écoute-la, Baccio, de toutes tes oreilles. Il n'y a point de chorale ici-bas qui vaille un tel charivari. Les fumées de la gloire montaient.